on a toujours avancé, même dans les pires galères. Aujourd'hui on est lancé, y'a ma lueur dans l'atmosphère. On avance dans le rap comme on avance dans la vie. Des moqueurs on s'en tape car toujours on sourit. Pour un feat tu partant, je suis un grand combattant. J'avance en me battant car la musique m'attend. Moi je suis consentant, Moïse qu'est-ce qu'on s'entend. Il y a du flow, du niveau dans notre rap. L'avenir dans les mots, tu as reconnu l'impact. Le rap est dans mon corps, je tirais même l'intestin. Si tu me testes à tort, je n'en ferai qu'un festin. Je me rappelle de mes débuts quand on se foutait de ma gueule. Et bien maintenant t'es perdu car aujourd'hui t'as le seum. Avant tu m'aimais pas et maintenant tu veux me voir. Et oui laisse tomber car je suis en route vers la victoire. On sait pour le 1-3 et les gens qui veulent me croire. C'est la route vers la victoire avec Moïse et Gino. Les gens commencent à nous croire sur l'avenir dans les mots. Tu pourras pas battre notre envie de réussir, non. On lâchera jamais le mic même si tu te mets au milieu. C'est la route vers la victoire avec Moïse et Gino. Les gens commencent à nous croire sur l'avenir dans les mots. Tu pourras pas battre notre envie de réussir, non. La musique c'est notre vie, tu nous l'enlèveras pas mieux. Je suis celui qui veut tout parce que rien est l'anormal. Pas le parce que le manque de calcium m'a mis la dalle. Des tâches éclaircissent les angles de l'artiste. La folie me possède jusqu'au jour où la réussite se montrera. On est tous pareils, c'est vrai, toi aussi t'as envie. Moi je veux tout parce que rien ne me concerne pas. Je fais ce rap de merde avec mes poches avec la dalle. Je suis plutôt cool, la réussite viendra vu qu'on la kidnappera. Mon style est fort, le gars est mec, l'envie de réussir fait partie du game. Mon envie elle est trop fière pour que ça marche. J'ai mis tous les atouts de mon côté comme des armes à la guerre. Yo. La zig c'est le territoire que tout le monde s'arrache. Je veux du fric, de l'air, de l'or, et oui je veux tout. L'envie de réussir me force à avancer sans retour. Voilà le gars tout maigre, hip de réussite. Mon délire je le radote à vos oreilles en attendant la suite. C'est la route vers la victoire avec Moïse et Gino. Les gens commencent à nous croire sur l'avenir dans les mots. Tu pourras pas battre notre envie de réussir, non. On lâchera jamais le mic même si tu te mets au milieu. C'est la route vers la victoire avec Moïse et Gino. Les gens commencent à nous croire sur l'avenir dans les mots. Tu pourras pas battre notre envie de réussir, non. La musique c'est notre vie, tu nous l'enlèveras pas. C'est la route vers la victoire avec Moïse et Gino. Les gens commencent à nous croire sur l'avenir dans les mots. Tu pourras pas battre notre envie de réussir, non. On lâchera jamais le mic même si tu te mets au milieu. C'est la route vers la victoire avec Moïse et Gino. Les gens commencent à nous croire sur l'avenir dans les mots. Tu pourras pas battre notre envie de réussir, non. La musique c'est notre vie, tu nous l'enlèveras pas vieux. Ok, Gino, Gino, Moïse, Escamez, l'envie de réussir.